Bonjour à tous. On entre dans le temps de Noël. C'est le temps où on coupe les sapins. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le bruit que faisait un sapin que l'on coupe s'il n'y avait pas d'observateur pour le voir tomber? Il ne fait aucun bruit. Autrement dit, le monde n'existe que parce qu'il y a des observateurs. Ça fait une dizaine d'années que j'anime des conférences en public et j'ai décidé de prendre une année sabbatique en 89. Donc, pour la plupart d'entre vous, je vous fais mes adieux. Et je veux dire aussi que pourquoi je parle du sapin qui tombe sans faire de bruit s'il n'y a pas de spectateur pour le voir, pour l'entendre, c'est simplement pour vous remercier d'avoir été là, car si vous n'aviez pas été là, je n'existerais pas non plus. C'est vous autres qui nous avez mis au monde. Sans vous, il n'y aurait ni François Payotte, il n'y aurait eu non plus le Bernard de Montréal. Ça fait que là, on s'apprête à accueillir Bernard de Montréal. Et au moment où il va entrer, je vous demande de vous applaudir vous-même cette fois-ci. On accueille Monsieur Bernard de Montréal. On aborde ce soir, Bernard, un thème qui passionne le monde. On l'a déjà abordé à deux reprises, la psychologie des nations. On a fait à peu près le tour de la planète, mais il nous a manqué dans notre inventaire, je me souviens, deux pays, un continent, l'Australie. On n'avait pas eu assez de temps pour en parler, et le Japon. Et je me souviens qu'à la fin de cette interview, vous avez dit « c'est dommage qu'il nous manque du temps pour parler du Japon, c'est très très intéressant ». Est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là à peu près? Bon. Moi je me souviens d'une chose, c'est qu'à travers les deux interviews où il était question de la conscience psychologique des nations, vous faisiez une différence très nette entre une nation et un peuple. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais que vous nous fassiez une définition de ces deux globalités. Ce qu'est une nation pour vous et ce qu'est un peuple, collectivement. Une nation, c'est une entité légale, c'est une entité organisée. Selon un plan d'évolution historique, c'est une entité qui a une personnalité définie par les liaisons entre elle et les autres peuples, les autres nations. Une nation, c'est la personnalité d'un peuple. Un peuple, c'est la personne d'un groupe. Si on prend la personnalité humaine, si on prend l'homme, l'homme a une personnalité, il a une personne. La nation est à la personnalité, ce que le peuple est à la personne. Donc, ce qui est très, très vital chez une collectivité, c'est le peuple et non la nation. Le problème aujourd'hui, c'est que nous parlons plus de nations que de peuples. Nous nous occupons plus des nations que des peuples. Nous avons élevé la psychologie de ces collectivités qu'on appelle la politique active, nous l'avons élevé à un niveau d'aliénation sur le plan mondial, de sorte que les humains ou les groupes ou les collectivités qui devraient bénéficier d'un état de personne,